Sur le rebord de ce matin calme, surgit un éclair. Je le prends à plein poumon. La vie renaît de la mort. Je respire encore. Moi qui semblais avoir cédé la routine quotidienne, des jours sans âme, d'un seul moment la rime n'a plus d'importance. Je me ressens de nouveau vivant, comme ces branches d'arbres tombantes qui s'arrachent violemment de leur tronc rempli de sève. J'exulte alors comme les premières années de l'enfance. Sève qui peut, sève qui veut, vivons encore. Enracinement, racine plantée, le ciel de son œil bleu alimente ses chevelures vertes d'un printemps qui s'en va le temps de l'été. L'automne tombe à pic. Je suis déjà mort d'y penser. Je repars et je fais un pas de danse pour revenir demain en attendant le prochain poème.